Le phare du diable, le trésor de l'arrêt et le grand amour, écrit par Hélène du Guezouvras, lu par Armen pour audiocité.net. Terre du milieu, oubliée par les anges et les dieux, peuplée de fées et de korrigans, l'arrêt est si pauvre que le schiste, le grès et le granit y poussent en abondance, s'épanouissent à fleur des landes rases et prospèrent en éperons émoussés par les vents. Dans ce riant paysage, on murmure que les villages des sommets, de Trédudon à Bottmer, n'eurent jamais assez d'herbe pour élever un bœuf de boucherie, ni assez de froment pour engraisser un descendant des Rohans. Mais soyons honnêtes, si les gens du pays ont longtemps manqué de blé et de bestiaux, ils auraient pu, grâce à tous ces cailloux, bâtir des châteaux en Espagne ou tailler des statues gigantesques. Au pied du mont Saint-Michel de Braspar, sur les flancs roussis de fougères et empourprés de bruyères, se trouvait une rangée d'étranges pierres debout, appelée en Eurodvein ou noce de pierre, jetée là par quelque korrigan effronté ou géant facétieux. Personne n'y traînait trop, car on murmurait que maléfices et sortilèges y tournoyaient dans la brume. La proximité du Yeunelez incitait par ailleurs à la plus grande prudence, ce dont témoigne d'ailleurs Anatole le Braz dans sa légende de la mort. Lorsqu'on arrive au cœur du Yeun, on se trouve devant une plaque verdâtre d'un abord dangereux et de mine traîtresse, dont les gens du pays prétendent qu'on n'a jamais pu sonder la profondeur. C'est la porte des ténèbres, le vestibule sinistre de l'inconnu, le trou béant par lequel on précipite les conjurés. Cette flaque est appelée le yodik, la petite bouillie. Parfois, son eau se met à bouillir. Malheur à qui s'y pencherait à cet instant, il serait saisi, entraîné, englouti par les puissances invisibles. Sur le bord du Yeunelez, non loin, vivait un impécunieux et sombre paysan qui passait pourtant pour le plus riche du canton. C'est dire si les autres étaient plongés dans une pauvreté crasse. Tous les ans, il tuait et salait un cochon maigre-lait, moissonnait son compte de blé noir et mangeait de la soupe presque à sa faim. Comble du luxe sur ces terres ingrates, il se faisait faire tous les ans une paire de sabots neufs, ainsi qu'à sa bien jolie jeune sœur, avec qui il vivait seul depuis si longtemps que personne n'avait le souvenir d'avoir jamais connu leurs parents. Aussi passaient-ils tous deux pour fiers dans le pays. Le frère aîné, laborieux et taciturne, refusait d'ailleurs systématiquement la main de sa sœur au prétendant qui, pourtant, ne manquait pas dans le canton tant le minois de la demoiselle alimentait tous les fantasmes à mille lieues à la ronde. Parmi eux se trouvait un brave jeune travailleur qui louait ses bras dans toutes les fermes de l'arrêt. Fort joli garçon, mais la beauté, dit-on, ne se mange pas en salade, et qui n'avait apporté pour légitime, en venant dans le monde, que sa droiture et sa bonne volonté. La jeune sœur du riche paysan de l'arrêt, silencieuse, couvait pourtant des yeux ce bel indigent qui, devant le refus irrévocable du frère aîné, et n'osant, pour tout dire, passer outre par respect pour les usages et la belle, en était donc réduit à la dévorer du regard, à la dérober. Arriva cette année-là, sans grande surprise, et comme les autres années, la nuit de Noël. Comme les autres années, tous les gens de la ferme se trouvèrent réunis dès le crépuscule, et avec eux, les indigents alentour, dont notre amoureux transi. Les maîtres de la maison, qui voulaient montrer leur grand cœur et faire profiter de leur fortune, avaient préparé un kikafarce de lard, d'andouille et de légumes, avec un far noir brujuné, accompagné d'un lipic apprécié des becs lipous, festin qu'un farce coquelaine de froment au miel d'ajon, estocade finale, allait clore. Alors que tous les yeux étaient tournés vers le foyer généreux, sauf ceux des deux épris qui échangeaient à la dérobée des regards embrasés, voilà qu'au moment où les bancs étaient près de la table et les cuillères de bois plantées en rond dans la marmite, un vieil homme poussa brusquement la porte et souhaita bon appétit à tout le monde. C'était un pauvre hère, mi-herboriste, mi-mendiant, dont les honnêtes gens se méfiaient, l'accusant sous cape de mille maux, notamment de jeter des sorts, de défier les fées, de tutoyer les korriganes et de fournir des herbes psychotropes et mithriatiques aux lutteurs de Gouran de l'Arrée. Ce qui, d'ailleurs, pour ce dernier point, n'était pas loin de la vérité. Mais c'est une autre histoire. Avec effroi, dans tout le pays, les grands-parents affirmaient à leurs petits-enfants terrifiés, le soir à la veillée, que cet étrange personnage avait le pouvoir de se transformer en gobelin à volonté. Encore aujourd'hui, on manque de preuves, même si, murmure-t-on, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais on était là à la veillée de Noël, et le fermier, surmontant le trouble de chacun, lui permit de s'approcher du foyer, lui fit donner un escabeau à trois pieds et une écuelle généreusement garnie. Quand le sorcier, car c'en était un à l'évidence, eut fini de manger, il demanda à se coucher, et on alla lui ouvrir l'étable où il n'y avait qu'un vieil âne pelé et un bœuf maigre. Le mendiant se coucha entre eux pour avoir chaud, en appuyant sa tête sur un sac de lande pilée. Les yeux mi-clos, il fit semblant de plonger dans le sommeil du juste, qu'il n'était pas d'ailleurs. Minuit sonna la chapelle Saint-Michel au sommet du mont. Le vieil âne secoua alors ses longues oreilles et se tourna vers le bœuf maigre. « Mon ami, comment vous portez-vous depuis la Noël dernière ?» demanda-t-il d'un ton amical. « Hélas, 12 mois ont passé, marmonna le vieux bœuf, et nous voilà encore plus perclus que l'an passé. Mais cette année est exceptionnelle, et je m'en réjouis. « Que va-t-il se passer ?» demanda l'âne, qui avait notoirement une mémoire de poisson rouge. « Comment ? » reprit le bœuf. « Ne savez-vous donc pas que, tous les 100 ans, au nouvel an, les pierres levées de la noce de pierre vont boire à la rivière Élèze, et que, pendant ce temps, les trésors qu'elles cachent restent à découvert ?» Ah, mais vous dites vrai, je m'en souviens maintenant, interrompit l'âne confus. Mais les pierres reviennent si vite à leur place qu'il est impossible de les éviter et qu'elles vous écrasent si vous n'avez point, pour vous en préserver, une touffe de poils noirs et blancs, d'une hermine empaquetée dans le cœur d'une fleur d'asphodèle d'arondo. Précisa sentencieusement l'âne qui avait recouvré la mémoire. « N'oubliez pas, mon cher ami, le reprit le bœuf, un brin agacé par l'imprécision crasse de son voisin d'étable, que les trésors emportés tombent en poussière, éparpillés par un vent maléfique, si l'on ne donne en retour une âme amoureuse. » Il faut le sacrifice d'un grand amour pour que le démon vous laisse jouir en repos des richesses de l'arrêt. Le mendiant, qui se trouvait bien sûr là à dessein, ne perdait pas une miette de cette conversation qui l'attendait depuis près de 100 longues années. « Bien, cher stupide bétail, songea-t-il in petto, grâce à vous me voilà bientôt plus riche et plus puissant que tous les magiciens et que toutes les fées de l'arrêt. Patience et longueur de temps !» À l'aurore, blanche et glacée, il battait déjà la campagne à la recherche d'une asphodèle d'Arondo et d'une imprudente blanche hermine porteuse d'un toupet noir. Autant dire que ce n'était pas gagné pour la fleur d'asphodèle, car on était tout de même fin décembre. Mais notre odieux personnage, qui était, on l'a dit, botaniste avisé et sorcier affûté, avait plus d'un tour dans son sac. Il s'enfonça résolument dans le Yeunélaise, réchauffant l'air et la terre par ici à l'aide d'un sortilège et capturant une innocente hermine à l'aide d'un filet à papillons ensorcelé. Toujours est-il qu'il reparut dans la lande rase des noces de pierre à la fin du jour de la Saint-Sylvestre, avec la figure d'une belette qui a trouvé le chemin du colombier. Comme il passait sur la lande, il aperçut le jeune amoureux occupé à frapper avec un marteau pointu contre la plus haute des pierres. « Que faites-vous donc ici ? » s'étonna le sorcier. « Je suis malheureux comme ces pierres, » répondit-il, tournant vers l'importun son regard triste. « Et j'ai pensé que si je traçais un cœur amoureux sur une des pierres maudites, je ferais une chose agréable aux fées. » Peut-être entendrait-elle ma peine. N'auriez-vous point quelque chose à leur confier concernant la si belle jeune fille que je vous ai vue dévorer des yeux à la Noël, alors que tout le monde se régalait de kikafarce et de farce coquelaine ? Susurra perfidement le mendiant. Stupéfait, le feu aux joues, le jeune paysan énamouré le regarda, les yeux écarquillés. Vous avez remarqué cela quand son frère ne voit rien de la sincérité et de la pureté de ce grand amour qui me dévore ? S'étonna-t-il douloureusement. Malheureusement, ma pauvreté me condamne au désespoir et à la solitude. Elle me cloue sur place, sur une chaise bancale. Je n'ai le droit ni de me lever, ni d'aller voir ailleurs, ni d'aimer mamie, comme une spirale de malédiction. Et si je te faisais avoir plus de louis d'or que le frère de ton grand amour ne possède de réal, dit le sorcier à mi-voix. Vous ? Mais qu'exigeriez-vous de moi en contrepartie ? Rien qu'un souvenir dans tes yeux amoureux. Ainsi, il n'y aurait pas besoin de compromettre mes valeurs, mes croyances, mon intégrité. Il n'y aurait besoin que de courage. Alors, dites-moi ce qu'il faut faire, s'enflamma le jeune homme en laissant tomber son marteau. Je suis prêt, car j'ai moins de goût à vivre qu'à aimer. Le mendiant alors lui confia, sous le sceau du secret, comment cette nuit les trésors légendaires de la lande seraient tous à découvert, mais en omettant toutefois de citer le moyen d'éviter les pierres au moment de leur retour. Se retirant à l'abri des bruyères et des ajoncs, non loin de la noce de pierre, ils patientèrent donc tous les deux, assis sur les talons. « Allons, dit le sorcier, pensez à ce que vous ferez quand vous aurez à discrétion l'argent, l'or et les pierreries. Quand j'aurai l'argent à discrétion, je donnerai à ma douce amoureuse tout ce qu'elle souhaite et tout ce qu'elle a souhaité, depuis la toile jusqu'à la soie, depuis le pain jusqu'aux oranges. Et quand vous aurez l'or à volonté, ajouta le sorcier. Quand j'aurai l'or à volonté, reprit le garçon, je ferai riche tous les parents de mon amoureuse et tous les amis de ses parents jusqu'aux dernières limites du bout du monde. Et quand vous aurez enfin les pierreries à foison, acheva le vieil homme. Alors, s'écria le jeune homme, Je ferai tous les hommes de la terre riches et heureux, et je leur dirai que c'est ma belle amoureuse qui l'a voulu. » Minuit arriva dans le froid glacé qui s'ouvrait sur Janvier. À l'instant même, il se fit un grand bruit sur la lande, et l'on vit, à la clarté des étoiles, toutes les grandes pierres quittaient lourdement leur place et s'élançaient vers le Yonélès. Elles descendaient le long du coteau en froissant la terre, en se heurtant comme une troupe de géants maladroits, et disparurent dans la nuit. Le mendiant se précipita alors vers la bruyère, suivi du jeune homme. Aux places où s'élevaient un peu auparavant les grandes pierres, ils aperçurent des puits remplis d'or, d'argent et de pierreries qui montaient jusqu'au bord. La nuit engourdie de ce début janvier en fut illuminée. Le jeune paysan poussa un cri d'admiration. Mais le sorcier se mit aussitôt à remplir de grands sacs en prêtant l'oreille du côté de la rivière. Il finissait de charger le troisième, tandis que le jeune homme l'aidait, lorsqu'un murmure sourd, comme celui d'un orage, gronda au loin. Les pierres avaient fini de boire et revenaient prendre leur place. Elles s'élançaient, filaient lourdement sur la lande, froissant la bruyère et brisant les ajoncs. « Nous sommes perdus !» s'émut le jeune homme. « Non, pas moi !» se réjouit perfidement le sorcier qui brandit son talisman de fleurs d'asphodèle, d'arondeau et de poils noirs et blancs d'hermine. « Car j'ai ici mon salut !» Mais il fallait aussi qu'un stupide amoureux perdît la vie pour m'assurer ses richesses. L'armée de pierres arrivait. Le diabolique ensorceleur présenta son bouquet magique et elle s'écarta à droite et à gauche pour se précipiter vers le jeune amoureux éperdu, éperdu. Il se laissa tomber à genoux, ferma les yeux pour percevoir une dernière fois le souvenir charmant du visage de son grand amour. La grande pierre qui volait en tête s'arrêta tout à coup et, bloquant le passage, se plaça devant lui comme une barrière pour le protéger. Le jeune paysan, étonné, releva la tête et reconnut la pierre sur laquelle il avait gravé le cœur amoureux. Mu par un pur amour porté par lui, elle ne pouvait plus nuire à un grand amour. Elle resta immobile devant le jeune homme jusqu'à ce que toutes ses sœurs eussent repris leur place, puis s'élança comme un oiseau pour reprendre aussi la sienne et rencontra sur son chemin le mendiant que ses pesants sacs retardaient. La voyant fondre sur lui, il voulut présenter le bouquet ensorcelé. Mais la pierre de l'amour n'était plus soumise aux enchantements du démon et elle passa brusquement en écrasant le sorcier comme un insecte dans un désagréable craquement. Bien fait ! Un silence étourdissant retomba sur l'arrêt alors qu'une pâle et chaude lumière se posait sur l'amoureux interdit. Sa dulcinée lui apparut dans un halo bienveillant. « Je suis la fée du Yonélès. Je suis chargée de veiller sur le trésor ensorcelé de l'arrêt. Ton aide désintéressée et ton pur amour m'ont été bien précieux ce soir pour préserver le secret de la noce de pierre. Je te choisis donc pour partager ma vie jusqu'à la fin des temps, si tu le veux encore. » Elle posa alors l'extrémité de son index sur le bout du nez de l'amoureux émerveillé, qui oublia instantanément son aventure et se réveilla au banquet de son mariage, au bras de cette plus belle fille du monde dont il avait tant rêvé. Ils vécurent longtemps, profondément heureux, lui devenu le tailleur de pierre le plus talentueux de ce monde, parsemant la vallée de Cloarcarnoët de statues gigantesques, comme une étrange obsession dont il ne comprit jamais le sens. Sa lumineuse épouse ne se départit jamais d'un étrange sourire. Tous les ans, à la Noël, il continue d'offrir aux passants alentours ce qui porte désormais le nom de phare du diable, au froment et au miel qui cuit dans sa marmite et dans l'âtre. Pour une brassée d'indigents et d'amants tous gourmands, 250 g de farine de froment, 100 g de sucre complet, 75 g de miel de bruyère ou d'ajon, 4 gros œufs du poulailler, 3 quarts de litre de lait entier de vache bretonne pie noire de l'arrêt, 75 g de beurre demi-sel de baratte, une grande marmite en fonte, du savon noir, une cheminée ou un poêle, un bon lit de braise, sinon un four classique conviendra. 220 degrés, chaleur tournante évidemment, mais c'est tellement moins bon. Il s'agit d'une recette et d'une cuisson traditionnelle pratiquée dans les monts d'Arrée, et plus particulièrement dans le hameau du Guézou, jusque dans les années 50, voire 60. Les foyers n'étaient pas équipés de fours ménagers comme on en connaît aujourd'hui, et on cuisinait dans l'âtre sur un trépied sur lequel on déposait la marmite pour la soupe ou un large disque en fonte bilic pour les crêpes. Quelques hameaux, bien sûr, possédaient un four collectif, souvent construit au cœur du village, comme on peut en voir par exemple à la maison Cornec de Saint-Rivoal, mais pas tous. Quoi qu'il en soit, ces fours n'étaient pas allumés tous les jours, évidemment, car le préchauffage était très long et il consommait beaucoup de bois. On y cuisait donc son pain et puis, profitant de l'inertie, des terrines et des pâtisseries une fois par mois. Le reste du temps, on se débrouillait donc avec ce qu'on avait. Dans une jatte, à l'aide d'une cuillère en bois, mélangez les œufs et le sucre. Ajoutez le miel, puis la farine. Délayer enfin avec le lait pour obtenir une jolie pâte fluide d'un joli jaune ambré. Tartinez l'extérieur de la cocotte de savon noir ainsi que l'intérieur du couvercle. Cela permettra de laver plus facilement celle-ci après utilisation et protégera le métal de la chaleur directe des braises. Sur un trépied posé dans l'âtre, sur un lit de braise, posez la marmite. Faire fondre le beurre jusqu'à légère coloration noisette, puis verser la pâte. Recouvrir du couvercle à l'envers et à l'aide d'une pelle métallique, recouvrir le couvercle de braise. Attention à contrôler l'intensité du feu et à la répartition des braises, dessus comme dessous, pour assurer une cuisson du phare la plus homogène possible. Comptez environ une demi-heure à trois quarts d'heure de cuisson. Posez la marmite débarrassée de son couvercle sur la table, dûment protégée, et plongez une cuillère impatiente dans cette pâtisserie simple et généreuse.